Deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Tu ne sais pas encore l'enfer qui t'attend. Le regard des uns, le rejet des autres. Si t'es bizarre, si t'es pas marrant. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Pourquoi t'aimerais-tu seulement comme tu es? Hein? Si t'es pas comme eux quand t'es naturel. Deviens génial, deviens génial. Fais-les t'envier, fais-les te regarder. Fais-les trembler, fais-les rêver. Que ce soit une chance de venir te parler. Deviens génial, deviens génial. S'ils peuvent pas t'utiliser, que vont-ils faire? Te laisser dans un coin, te regarder travers. Avec le temps, tu vas devenir amer. Pour l'unité, faut des ennemis communs. Une tête de turc pour se faire des copains. Faut bien rigoler, faut bien des potins. J't'en prie bébé, ne viens pas l'ennemi commun. J't'en prie, force-toi, fais-toi des copains. J't'en prie bébé, ne fais pas les potins. Pour ça, pas le choix, faut devenir génial. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Tu ne sais pas encore l'enfer qui t'attend. Le regard des uns, le rejet des autres. Si t'es bizarre, si t'es pas marrant. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Pourquoi t'aimerait-il seulement comme tu es, hein? Si t'es pas comme eux quand t'es naturel. Deviens puissant et intelligent. Fais de l'argent, entre dans la danse. Grandis mais reste bon comme un enfant. Si t'as pas le niveau, ils se foutent de ta gueule. Faut être quelqu'un pour qu'on t'ouvre à l'accueil. Faut être quelqu'un pour qu'on t'ouvre son cœur. Et même si un jour tu trouves ta moitié, tu l'empêcheras pas de te demander: est-ce que je mérite pas quelqu'un de plus génial? Hein? Moi qui suis tellement génial. Deviens génial, deviens génial. Y'a que moi qui t'aimera toujours sans condition. Les autres demanderont du rêve, du sel, du zèle, ou juste que tu sois à leur disposition. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Tu ne sais pas encore l'enfer qui t'attend. Le regard des uns, le rejet des autres. Si t'es bizarre, si t'es pas marrant. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Pourquoi t'aimerait-il seulement quand tu es, hein? Si t'es pas comme eux quand t'es naturel. Ne deviens pas comme eux mais reprends leur gimmick. Crois pas que je valide, c'est juste que j'anticipe. Je vais changer les règles mais tu grandis vite. Ne deviens pas comme eux mais reprends leur gimmick. Mets-toi à l'abri, fiston, faut t'anticipe. Je vais changer les règles mais tu grandis vite. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial.